إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on a donc commencé hier l'étude de cette première épître sur le tawhid intitulée « Les trois fondements » écrite par l'auteur, l'imam, le shaykh Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Donc dans l'assise d'hier, on a vu une biographie concise de l'auteur rahimahullah ta'ala ainsi qu'un plan du livre et la première partie de l'introduction dans laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala nous a rappelé l'obligation pour chacun d'entre nous d'apprendre quatre choses qui sont quatre enseignements qu'il a tirés de Surat al-Asr. L'obligation de la science, de sa mise en pratique, d'y inviter les gens et de patienter face aux préjudices dans cela. On va donc voir aujourd'hui la deuxième partie de l'introduction, dans laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné trois autres points qui sont très importants. Il a dit rahimahullah, donc à la page 8, « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour tout musulman et musulmane d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. » On a vu hier que lorsque le shaykh rahimahullah ta'ala emploie la forme impérative et qu'il nous dit « sache », c'est pour attirer notre attention et nous faire savoir que ce qu'il va mentionner par la suite, ce sont des points importants. Il faut donc que l'on s'en concentre dessus et qu'on y accorde la plus grande attention. Il dit rahimahullah qu'Allah te fasse miséricorde. On a vu que ceci nous montre la bienveillance de l'auteur rahimahullah ta'ala. Il veut le bien pour nous, pour l'étudiant ou celui qui va lire cet épître. Qu'il est obligatoire pour tout musulman et musulmane. Ici le shaykh rahimahullah ta'ala, il aurait pu se contenter de dire qu'il est obligatoire pour tout musulman, car cela aurait compris aussi bien les hommes que les femmes. Mais il a précisé tout musulman et musulmane, afin d'insister sur ce point important qui est le fait que ces questions, l'obligation de les apprendre et de les mettre en pratique n'est pas limitée aux hommes, mais cela concerne aussi les femmes. Et ceci est la base pour l'ensemble des ordres religieux. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un ordre ou qu'il interdit une chose, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, la base, c'est que cela concerne aussi bien les hommes que les femmes. Sauf si une preuve vient nous démontrer qu'un ordre est spécifique aux hommes ou qu'un ordre est spécifique aux femmes. À titre d'exemple, la prière en commun dans les mosquées. Nous avons des preuves qui nous démontrent que ceci est spécifique aux hommes. Également, l'obligation du voile pour les femmes. Les preuves nous démontrent que ceci est spécifique aux femmes. Également, l'interdiction du port de la soie ou du port de l'or. Les preuves nous démontrent que cette interdiction ne concerne que les hommes et non pas les femmes. Et ainsi de suite. Mais s'il n'y a pas de preuves montrant qu'une chose est spécifique pour l'homme ou pour la femme, alors la base est que cela est général et englobe aussi bien les hommes que les femmes. Donc parmi ces choses, il y a ces trois points que l'auteur rahimahullah ta'ala va nous mentionner. Il nous dit d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. Il réinsiste sur ce point. Comme on a dit hier, la science ce n'est pas une finalité. Mais la finalité c'est que tu mettes en pratique cette science. Donc ces trois points, tu les apprends. Ce n'est pas simplement pour les mémoriser ou pour avoir connaissance de ces sujets. Mais l'objectif, c'est que tu mettes en pratique ces trois choses. Il dit, rahimahullah, la première est le fait qu'Allah nous a créés, nous a accordé notre subsistance et ne nous a pas laissés sans but. Au contraire, il nous a envoyé un messager. Quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. Ceci est le premier point que le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous mentionne ici et qu'il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane d'apprendre et de mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. En effet, il a créé toutes choses. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqakum min turab, thumma antum basharun tantashirun. Parmi ces signes, il y a le fait qu'il vous a créé de terre. Puis vous voilà des hommes qui se dispersent. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, c'est une chose qui est acceptée par la raison saine. C'est-à-dire toute personne qui a la raison saine reconnaîtra qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son créateur. Car l'homme, il n'a pas pu se créer lui-même, il ne peut pas exister sans créateur. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, « Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun. » Ont-ils été créés à partir de rien, à partir du néant? Ce n'est pas possible. Ou alors, est-ce que ce sont eux les créateurs? Est-ce que ce sont eux-mêmes qui se sont créés? La réponse est non, bien sûr. Mais leur créateur est Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc Allah nous a créés, nous a accordé notre subsistance. Ceci fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Il nous a créés et il ne nous a pas livrés à nous-mêmes. Mais c'est lui qui nous accorde notre subsistance, subhanahu wa ta'ala. Comme il dit dans son noble livre, « قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ » Dit, « Qui vous accorde votre subsistance des cieux et de la terre ?» Dit, « C'est Allah. » Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une créature sur terre sans que sa subsistance incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu nais, cette subsistance, elle est écrite. De ton premier jour sur terre jusqu'à ton dernier souffle, la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder, elle est écrite. Et tu n'obtiendras de ce bas monde que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. Ensuite, il dit, Allah nous a créés, nous a accordé notre subsistance et ne nous a pas laissés sans but. C'est-à-dire sans objectif sur terre. Car cette pensée, c'est la pensée de qui? C'est la pensée des mécréants. La pensée de ceux qui croient qu'ils sont dans ce bas monde sans aucun objectif, si ce n'est pour profiter de ses désirs éphémères. Telle est la situation des mécréants. Ils pensent qu'ils viennent dans ce bas monde, qu'ils naissent, qu'ils vivent ensuite afin de profiter des désirs de ce bas monde, qui sont des désirs éphémères et temporaires, et qu'ensuite, ils vont mourir et qu'il n'y aura rien après cela et qu'ils n'auront pas à rendre compte de leurs œuvres. Et c'est pour cela que les mécréants, tu trouveras leur cœur attaché fortement à ce bas monde. Et ce, car ils ne croient pas en l'au-delà. C'est pour cela que, comme ils disent, ils veulent profiter de la vie. Car pour eux, il n'y a pas d'existence après cette vie. Donc ils veulent profiter des désirs éphémères de ce bas monde. Oubliant qu'après cette vie, qui n'est qu'un lieu de passage, un lieu de transition, il y a une vie éternelle. Et dans cette vie, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Il n'y a pas d'autre destination. Soit la personne sera au paradis pour y demeurer éternellement, soit la personne sera en enfer pour y demeurer éternellement. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les gens du paradis et de nous préserver du feu de l'enfer. Donc eux, leur cœur, étant donné qu'ils ne croient pas en l'au-delà, ils sont attachés à la vie d'ici-bas. Et c'est pour cela que tu les vois lors des épreuves, ils sont remplis de crainte. Pourquoi? Car ils ont peur de perdre ce bas monde. Ils ont peur de perdre ce qu'ils pensent être leur seule vie. Et ils désirent encore profiter de ce bas monde. Mais en réalité, si tu médites sur leur situation, tu verras qu'ils ne profitent pas de ce bas monde. Car celui qui profite de ce bas monde, c'est qui? C'est celui qui profite de sa vie pour prendre ses provisions dans l'au-delà. Celui-là, il profite de sa vie. Celui qui se soumet aux ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui s'écarte des interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui voue un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration, celui-ci, il profite réellement de sa vie. Car il prend ses provisions. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Et prenez vos provisions. Et certes, la meilleure provision, c'est la piété. Le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir ses ordres et de s'écarter de ses interdits. C'est ainsi qu'on profite de la vie sur terre, en concrétisant la raison de notre présence ici-bas. Donc le shaykh rahimahullah ta'ala, il nous dit, Allah nous a créés, nous a accordé notre subsistance et ne nous a pas laissés sans but. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Au contraire, il nous a envoyé un messager. C'est-à-dire qu'il nous a envoyé un messager qui est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, afin de nous expliquer le but de notre présence sur terre, et de nous expliquer et nous clarifier le chemin à emprunter afin d'atteindre ce but. Et tout ceci a été clarifié dans le Coran et dans la Sunna. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas laissé sans but ici-bas, comme le pensent les mécréants. Mais nous avons un objectif, qui est d'atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il nous a envoyé un messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin de nous montrer le chemin à emprunter afin d'atteindre ce noble but qui est d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager, il est donc venu et il nous a transmis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala le message. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit Quiconque lui obéit, c'est-à-dire au messager, entrera au paradis, et quiconque lui désobéit, entrera en enfer. Et ceci, c'est un point qui est très très important. Et c'est pour cette question que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce point ici, qui est l'obligation d'obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nombre de personnes pensent que l'on doit obéissance seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, et que les ordres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne seraient que de simples orientations. Il n'y a pas de doute que ceci est une grave erreur, et s'oppose à ce qui est venu clairement dans les textes du Coran et de la Sunnah. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé dans son noble livre que le fait d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de son obéissance. Il dit subhanahu wa ta'ala, « Man yuta'i ar-rasul faqad ata'a Allah » et quiconque obéit au messager, il a certes obéi à Allah. Donc l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam, elle fait partie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Il dit également subhanahu wa ta'ala, wa ati'u Allah wa ar-rasul la'allakum turhamun. Obéissez à Allah et au messager, ainsi il vous sera fait miséricorde. Il dit subhanahu wa ta'ala, wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Et inversement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a menacé de son châtiment celui qui désobéit au messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, alors il aura certes le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Voyez donc à travers ces versets que l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné dans son noble livre. On voit donc qu'à travers cela l'importance de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'importance de ces hadiths qui ont été recueillis par les imams de la science du hadith afin de nous parvenir jusqu'à nos jours, et que ceci fait partie de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cela fait partie des sources de notre religion. Non pas comme certains veulent le faire penser aujourd'hui, et qui veulent appeler les gens à délaisser la sunna et à ne prendre que ce qui est venu dans le Coran. Et ceci s'oppose aux bases fondamentales de la religion de l'islam. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous rapporte d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé une nouvelle qui est très réjouissante pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, toute ma communauté entrera au paradis. Allahu Akbar. Toute ma communauté entrera au paradis. Ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, sauf celui qui refuse. Sauf celui qui refuse d'entrer au paradis. Donc, il n'y a pas de doute que lorsqu'on entend cela, on est surpris. Comment une personne pourrait-elle refuser d'entrer dans ce paradis au plaisir éternel dans lequel il y a ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur d'un homme ne peut imaginer, ainsi que tous les délices, comme on peut le voir dans de nombreux versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment une personne pourrait refuser d'entrer au paradis? Alors les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, de par leur désir de savoir, ils ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, ô messager d'Allah, mais qui pourrait refuser? Qui pourrait refuser d'entrer au paradis? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, celui qui m'obéit entrera au paradis. Et celui qui me désobéit a certes refusé. C'est-à-dire que celui qui désobéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en lui désobéissant, il manifeste une forme de refus d'entrer au paradis, wal'iyadu billah. Voyez donc, à travers ce hadith, l'obligation d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur, après nous avoir mentionné cela, comme à son habitude et comme il le fait tout au long de ce livre, il nous dit, rahimahullah, la preuve est la parole d'Allah. On a dit que ceci fait partie de la bonne éducation qu'il transmet au lecteur ainsi qu'à l'étudiant. Le fait de le lier sans cesse aux sources de la religion, le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il ne t'expose pas une question sans t'apporter après la preuve de cela. Il dit donc ici, la preuve est la parole d'Allah. C'est-à-dire la preuve que celui qui obéit au messager, sallallahu alayhi wa sallam, entrera au paradis, et que celui qui lui désobéit entrera en enfer. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit: Inna arsalna ilaykum rasula shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu ar-rasul fa'akhadhnahu akhdan wabila. Nous vous avons envoyé un messager, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon, c'est-à-dire Moussa alayhi salam. Pharaon désobéit alors au messager. Pharaon, il a désobéi à Moussa alayhi salam. Il a refusé de suivre ce à quoi l'appelait Moussa alayhi salam et de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala? فَأَخَذْنَاهُ أَغْذًا وَبِيلًا. Nous le saisîmes donc rudement. C'est-à-dire qu'il a subi le châtiment. Et ce verset, en réalité, c'est une menace pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle la situation de Pharaon, qui a désobéi à Moussa alayhi salam, et cette désobéissance, elle fut la cause de son châtiment. Donc prenez garde vous aussi, ô communauté de Muhammad, à ne pas désobéir à votre messager, sinon il vous arrivera ce qui est arrivé à Pharaon. Ce verset est donc également une preuve de l'obligation de l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est la première question que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionnée ici. Il dit ensuite, rahimahullah, à la page suivante, la deuxième est qu'Allah n'agrée pas qu'on lui donne un quelconque associé dans son adoration, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Donc ceci est la deuxième chose qu'il est obligatoire pour tout musulman et musulmane d'apprendre et de mettre en pratique. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas, c'est-à-dire il n'accepte pas, il refuse qu'on lui donne un quelconque associé dans son adoration, qui qu'il soit. On a vu dans le premier cours, lors de l'explication de la parole de l'unicité, l'explication de la ilaha illallah, que l'adoration, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le fait de vouer l'adoration à Allah seul en dehors de tout autre que lui, ceci est le sens même de cette parole que tu as prononcée pour entrer en islam. La ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah. Donc celui qui prononce cette parole, il est attendu de lui qu'il voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Tu ne peux pas prononcer cette parole, puis ensuite aller invoquer un mort, ou aller invoquer un djinn, ou autre parmi les formes de polythéisme majeur. Car en faisant cela, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annule cette attestation qu'elle a prononcée. Tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah », j'atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah. C'est-à-dire, j'atteste que l'adoration est un droit exclusif d'Allah et qu'il n'est pas permis d'adorer autre que lui. Tel est le sens de cette attestation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'agrée pas qu'on lui donne quelque associé dans son adoration. Et celui qui lui donne un associé, comme le fait de sacrifier pour un mort, ou alors de sacrifier pour les djinns, de sacrifier pour les sorciers, ou le fait d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait cela, alors il se rend coupable du plus grave des péchés, qui est le polythéisme majeur. Se rend coupable de ce grave péché, et qui est la cause de sa sortie de l'islam, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc le shir rahimahullah ta'ala, il nous expose ce point très important, qui est le fait que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous précise qu'Allah n'agrée pas qu'on lui donne un quelconque associé dans son adoration, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. C'est-à-dire, pas même Jibril alayhi salam qui est le meilleur des anges, ni même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est le meilleur des hommes, ni autre que lui parmi les prophètes, comme Isa alayhi salam ou autre, il n'est pas permis de leur vouer une quelconque forme d'adoration. Et le cheikh, il précise cela, car c'est très important. En effet, il y a des gens qui pensent qu'étant donné que ces prophètes et ces anges sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il serait permis de leur adresser des demandes afin qu'ils les transmettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est l'essence même du polythéisme majeur. Comme on reviendra dessus lorsque l'on verra les quatre règles, inshallah, ainsi que les annulatifs de l'islam. Donc le shir rahimahullah ta'ala, après nous avoir mentionné ce point, qui est ce qui est impliqué par ton attestation qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit rahimahullah, la preuve est la parole d'Allah. Encore une fois, il insiste et il nous montre que chaque question qu'il nous présente, elle est tirée du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les masajids sont consacrés à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Donc vous avez ici en note de bas de page, les masajids, c'est le pluriel du mot masjid, qui signifie mosquée, ou alors lieu où on se prosterne. Un masjid, c'est tout endroit où on se prosterne, que ce soit dans une mosquée, dans une maison ou en plein air. Cela rentre dans la définition du mot masjid, lieu où tu te prosternes. Toutefois, les savants ont expliqué que dans ce verset, cela désigne aussi les membres sur lesquels on se prosterne. Quels sont les membres sur lesquels on se prosterne? Le visage, le front et le nez, les deux mains, les deux genoux et l'extrémité des deux pieds. Donc cela est aussi désigné par le terme al-masajid. Donc les lieux de prosternation et les membres sur lesquels tu te prosternes, ils sont consacrés à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah, c'est-à-dire n'adorez donc personne avec Allah, ne vous prosternez pour nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. N'adressez vos demandes à nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'invoquer autre que lui, cela nous montre que l'invocation, elle est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que l'invocation, elle est de deux sortes. Les gens de science ont mentionné que l'invocation est de deux sortes. Il y a l'invocation de demande et l'invocation d'adoration. L'invocation de demande, c'est toute demande que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu dis, oh Allah, fais-moi entrer au paradis, oh Allah, préserve-moi de l'enfer, oh Allah, facilite-moi ceci et cela, et ainsi de suite. Tout ceci sont des demandes que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième sorte d'invocation, elle est plus large que cela. C'est l'invocation d'adoration. Et entre dedans, tout acte ou parole que tu fais pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la prière, par exemple, c'est une invocation d'adoration. Le jeûne, c'est une invocation d'adoration. Et ainsi de suite parmi les œuvres. Pourquoi on dit que c'est des invocations? Car lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu donnes une aumône, c'est comme si tu demandais à Allah subhanahu wa ta'ala de te rapprocher de lui, de te faire entrer au paradis, de te préserver du feu de l'enfer. Donc par cette adoration, en réalité, par tes actes, tu adresses une forme de demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu cherches à obtenir son agrément. Et c'est pour cela que les gens de science ont dit que cela est aussi une invocation, l'invocation d'adoration, qui est plus large que l'invocation de demande. Et les deux sont visés dans ce verset. N'invoquez donc personne avec Allah, n'adressez des demandes à nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et n'adorez personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a dit, la troisième, c'est-à-dire la troisième chose obligatoire pour tout musulman et musulmane d'apprendre et de mettre en pratique, et que celui qui obéit au messager sallallahu alayhi wa sallam et voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui est pas permis de prendre pour allié quiconque s'oppose à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, même s'il fait partie de ses plus proches parents. Ce troisième point, c'est un point très important, qui fait partie des plus grands fondements de notre noble religion. Et c'est l'alliance et le désaveu. Le fait qu'il est obligatoire pour toi de t'allier aux croyants en les aimant pour Allah subhanahu wa ta'ala et de te désavouer des mécréants en les détestant en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shaykh rahimahullah ta'ala, il nous dit, la troisième est que celui qui obéit au messager sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que c'est cela? C'est la première question qu'il nous a mentionnée. L'obligation d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et vous un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la question précédente, le deuxième point. Donc celui qui a concrétisé ces deux premières questions, qui a obéi au messager sallallahu alayhi wa sallam, qui voit un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui incombe une chose après cela. Il dit, il ne lui est pas permis de prendre pour allié quiconque s'oppose à Allah et son messager, même s'il fait partie de ses plus proches parents. En effet, comment le croyant, qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, et qui aime son messager sallallahu alayhi wa sallam, comment pourrait-il s'allier à des gens qui insultent son Seigneur? Comment pourrait-il s'allier à des gens qui mécroient en son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas de doute que celui qui fait cela, c'est une forme de manifestation de la faiblesse de sa foi. Ou pire encore, dans certains cas, de l'absence de sa foi, et on demande à Allah de nous préserver. Donc la foi du croyant, elle ne peut se concrétiser, si ce n'est en mettant en pratique ce fondement immense qui est l'alliance et le désaveu. Et tu ne pourras pas goûter à la douceur de la foi sans cela. En effet, les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala ont rapporté d'après Anas radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a trois choses qui, si elles sont réunies dans une personne, elle goûtera alors la douceur de la foi. Et parmi ces trois choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné le fait que l'homme n'aime que pour Allah. C'est-à-dire, lorsque tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'aimes car c'est une personne pieuse. Tu l'aimes car c'est une personne en laquelle tu vois certaines formes de piété. Le suivi de ton messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça que tu l'aimes. Mais quelqu'un qui est à l'opposé de cela, qui mécroit en Allah, qui mécroit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui déteste la religion de l'islam, il n'est pas possible pour le croyant de le prendre pour allié. Car cela s'oppose totalement ou partiellement à la foi. Donc le musulman, lorsqu'il aime quelqu'un, il l'aime en fonction de cela, en fonction de la religion, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ton amour, il n'est pas porté pour les personnes parce qu'ils sont de la même origine que toi, ou alors parce qu'ils viennent du même quartier que toi, ou encore parce que tu as des liens de parenté avec eux, ou parce que vous avez des centres d'intérêt en commun, les mêmes loisirs ou autres. Tout ceci ne doit pas avoir d'influence, mais la seule chose pour laquelle tu aimes une personne, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant, tu l'aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est une personne lointaine, même si c'est une personne avec laquelle tu ne partages aucun centre d'intérêt parmi les loisirs ou autres. Le simple fait que vous êtes liés par la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le culte exclusif voué à Allah, par le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cela suffit pour que tu l'aimes. Tu l'aimes en Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est un étranger et que tu ne le connais pas. Et inversement, même si une personne fait partie de tes plus proches parents, tes enfants, tes parents ou autres, mais qu'il mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il déteste la religion de l'islam, alors dans ce cas, il n'est pas permis pour toi de t'allier à eux. Et le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné la preuve de cela, il a dit: la preuve est la parole d'Allah. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Tu ne trouveras pas de gens qui croient en Allah et au jour dernier. Prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Ensuite, ils diffusent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu, c'est-à-dire les gens les plus proches de la personne. Alors que dire d'autre qu'eux? Que dire des personnes qui ne font pas partie de ta famille, qui ne font pas partie de tes proches? Il n'y a pas de doute que tu ne vas pas les prendre pour alliés, te lier d'amitié avec eux alors qu'ils s'opposent à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. À ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ne prennent pas pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, il a prescrit la foi dans leur cœur. Comme on a dit, celui qui concrétise ce point, ce principe d'alliance et de désaveu, alors il va goûter la douceur de la foi, car il aura rempli cette condition de n'aimer ou ne détester que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue en prescrivant dans son cœur la foi. Et il les a aidés de son secours. C'est une deuxième récompense. Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider. Allah subhanahu wa ta'ala va le préserver. Et il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Ils entreront au paradis. Allah les agrée et il l'agrée. Et ce, car ils ont redonné pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala son droit et auront concrétisé ce principe qui est le principe de l'alliance et du désaveu. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. En effet, les gens, ils se divisent en deux parties. Le parti d'Allah qui sont les croyants et le parti du diable. Et il incombe à la personne de choisir dans quelle partie elle souhaite se trouver. Est-ce dans le parti d'Allah ou dans le parti du diable? Si tu souhaites être du parti d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu te dois d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam, de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de t'allier et te désavouer en fonction de cela. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent, c'est-à-dire ceux qui réussissent ici-bas, en ayant emprunté la bonne voie, la voie du livre et la voie de la sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, et qui auront réussi également dans l'au-delà, car ils entreront au paradis. Ils auront donc atteint la grande réussite en atteignant cet objectif immense. Donc ce troisième point, c'est un point très important. L'alliance et le désaveu, comme on a dit. Toutefois, comment ce désaveu doit-il avoir lieu? C'est-à-dire, comment tu vas te désavouer du polythéisme et des adeptes du polythéisme? Ce désaveu, il a lieu par trois choses. Par le cœur, par la langue et par le corps. Par le cœur, comme on l'a dit, c'est une obligation pour le croyant de détester les mécréants, de détester leurs fêtes, leurs célébrations, leur polythéisme et leur mécréance. La deuxième chose, c'est que tu vas te désavouer par la langue, en proclamant cela haut et fort. Simplement, lorsque tu dis « Ash'hadu an la ilaha illallah », tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais tu dois te désavouer également des adeptes du polythéisme. Comme tu le dis lorsque tu récites « Surat al-kafirun »« Qul ya ayyuhal kafirun »« La a'budu ma ta'budun » Dis « Oh vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. » Ceci est une façon de se désavouer. Et la troisième chose, c'est que tu te désavoues par ton corps. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu ne vas pas t'assimiler aux mécréants, que ce soit dans leur apparence, ou que ce soit dans leurs célébrations et leurs fêtes. Tu ne vas pas te joindre à eux en cela. Et ceci est une manière de se désavouer d'eux. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman et le mécréant doivent être éloignés de sorte à ce que l'un ne puisse pas voir le feu de camp de l'autre. Entre donc dans cela, dans le désaveu par le corps, le fait de quitter la terre de mécréance, en accomplissant la hijra. Et ce point-là, on le traitera plus loin, inshallah ta'ala, lorsqu'il sera abordé dans le troisième fondement. Quoi qu'il en soit, il faut faire ici attention à une chose concernant le désaveu des mécréants et le fait de ne pas les prendre pour alliés. Certaines personnes pourraient penser que cela signifie que l'on doit avoir un mauvais comportement avec eux ou alors que l'on doit couper tout lien avec eux et ainsi de suite. Et ceci s'oppose à la compréhension correcte de l'islam. En effet, il nous a été permis d'avoir des relations avec les mécréants. Et ce malgré qu'on les déteste en Allah, subhanahu wa ta'ala. Cela ne nous empêche pas d'avoir certaines relations avec eux. Tout d'abord, nous incombe de les appeler Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une obligation d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, en leur faveur, afin qu'il les guide à l'islam, notamment nos proches, parmi les mécréants. Et ceci ne doit pas être délaissé. Également, parmi les choses permises, et que certaines personnes aux croyances déviantes et égarées considèrent comme une chose s'opposant à ce principe, il y a le fait que les gouverneurs musulmans fassent des pactes de paix parfois avec les gouverneurs mécréants. Et ceci est venu dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre « وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا » S'ils s'inclinent à la paix, incline vers celle-ci toi aussi. Et ceci revient au gouverneur des musulmans qui évalue les intérêts et les méfaits qu'il y a en cela. Et cela a été mis en pratique par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du pacte de l'Hudaybiyah avec les mécréants de Quraysh. Également, il n'y a pas de mal à être bienfaisant envers les mécréants qui sont bienfaisants envers toi et à leur rendre l'appareil. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « La yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin » Allah ne vous interdit pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous combattent pas pour votre religion et qui ne vous ont pas fait sortir de vos demeures. Certes, Allah aime les gens équitables. Donc il n'y a pas de mal à faire preuve de bienfaisance envers les mécréants, notamment si ce sont tes proches, si ce sont tes voisins. Tu fais preuve de bienfaisance envers eux en leur offrant des plats, en leur offrant des cadeaux et ainsi de suite. Et ceci est une manière de les appeler à l'islam. Également, parmi les choses importantes à mentionner, il y a le fait que détester les mécréants en Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'implique pas que l'enfant musulman doit être mauvais envers ses parents s'ils ne sont pas musulmans. Au contraire, il doit faire preuve de bonté envers eux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, s'ils essayent de te contraindre à faire du polythéisme, à faire des actes de mécréance, Alors ne leur obéis pas. Pas permis de leur obéir. Toutefois, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Allahu Akbar. Ils essayent de te faire commettre le pire des péchés qui est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Telle est notre noble religion, qui reconnaît le droit des parents. Alors que dire de celui dont les parents sont musulmans? Il n'y a pas de doute qu'ils sont bien plus en droit de recevoir sa bienfaisance. Enfin, parmi les points pour clôturer à ce sujet, le fait de détester les mécréants à Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne signifie pas que tu dois être injuste envers eux. Car l'injustice, elle est interdite, envers le croyant et envers le mécréant. Et l'injustice, elle est source de ténèbres au jour de la résurrection, comme il est venu dans le hadith. Et le musulman, il doit être équitable et juste. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Et que la haine envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste, mais soyez juste, cela est plus proche de la piété. Donc vous voyez qu'il est important de faire la différence entre le fait de détester en Allah une personne et le fait que cela ne t'empêche pas d'être en parallèle bienfaisant envers cette personne et d'avoir un bon comportement avec elle. Car c'est à cela qu'a appelé la noble religion de l'islam. Donc le fait de se désavouer des mécréants, ce n'est pas comme le pensent certaines personnes, que ce soit parmi les musulmans sur des voies déviantes et des voies égarées comme le font les khawarij ou autres, qui pensent que cela implique d'être injuste envers eux, de commettre des crimes et autres parmi les choses ignobles qu'ils accomplissent. Ceci s'oppose à l'islam. Et également, ce n'est pas comme le pensent les mécréants, qui pensent que du fait qu'on les déteste en Allah subhanahu wa ta'ala, alors on va forcément rechercher leur mal ou être mauvais envers eux. Ce n'est pas du tout ça. On se désavoue d'eux pour Allah subhanahu wa ta'ala. On les déteste à cause de leur mécréance. Mais cette haine qui est religieuse, elle ne nous pousse pas à être injuste. Au contraire, notre religion, elle nous appelle à faire preuve de justice et à être bon envers eux. Comme on l'a vu dans le verset, à partir du moment où ils ne nous combattent pas pour notre religion, il n'y a pas de mal à être bon et équitable envers eux. Ces trois points sont donc parmi les points les plus importants de notre religion. Le fait d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'allier et de se désavouer en fonction de cela. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on terminera la troisième partie de l'introduction dans le cours de demain, bi'idhnillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. وبارك الله فيكم